Why did you do it? Ce fut en 1975 la question que te posait le groupe britannique Stretch, dont le chanteur était très chevelu, sans doute une victime de la mode et du stretch. Très pressé. Oh, perruque Stretch, Hélène Curtis. Ah. Prise au dépourvu. Oh. Perruque Stretch, Hélène Curtis. Ah. Perruque Stretch, Hélène Curtis. Cheveux 100% naturels chez votre coiffeur. Bien sûr. Alors, après notre enthousiaste excursion annécienne dimanche dernier, nous sommes ce matin de retour à Paris, toujours en direct, et à 11h11, te voici, j'espère, confortablement vautré, afin de profiter au mieux des modestes péripéties laïques du Mangin Palace. Et comme il se doit, amorçons ensemble ce 209e épisode, l'avant-dernier de la saison, par la petite session freudienne de Monsieur Divan Beaugelet, avec qui nous allons croiser tout d'abord le temps des vaches maigres, puis la pseudo-rédemption d'un requin pèlerin, et enfin la voracité d'une mante religieuse en mission. Allez, en route maestro, tends bien l'oreille, ainsi soit-il. Voisin. Cette histoire est tirée de faits réels. Bonjour Luc Châtel. Bonjour Nicolas Demorand. Il est ministre de quoi déjà ? De l'éducation et porte-parole du gouvernement. Je peux pas rater ça. Quelques questions sur la maison éducation nationale. Combien de postes seront supprimés ? Bien, nous ne renouvellerons pas. Un départ sur deux en retraite. Très joli euphémisme. Comme nous l'avons fait depuis 2007. Et pourquoi ça ? C'est la ligne qui a été fixée. Vous vous faites du souci pour l'éducation de vos enfants ou peut-être pour votre retraite. Pour tout cela, je tiens à vous dire. Il y a un moment où quand vous menez une politique de maîtrise des dépenses publiques. Il est très austère. L'éducation nationale, premier budget de l'État, qui emploie un fonctionnaire sur deux, ne peut pas s'exonérer de cette politique de maîtrise. Bon, vous devrez peut-être partir à l'école, non ? Qu'il est mignon. Ça me désole de savoir qu'un gamin aussi adorable finit sous les ponts. C'est un procès très médiatique, celui de Jérôme Kerviel. On a merdé grave. L'ex-trader de la Société Générale. Je m'en rends compte, maintenant. Sa ligne de défense est donc très claire. Attention, attention, attention, jeune homme. Qu'insinuez-vous par là ? Je n'insinue pas, j'affirme. La banque savait tout, dérive d'un système financier qui encouragerait la fraude tant qu'elle ne se voit pas. Nous n'avons rien à cacher. Deux thèses qui vont donc s'affronter et à grand renfort de communication. Y a-t-il des questions ? Jérôme Kerviel, en fait-il trop ? Son avocat, maître Olivier Metzner. Je ne pense pas à savoir d'abord qui est Jérôme Kerviel, un homme normal. Un homme comme beaucoup d'autres. Vous devez être super riche. Ce battage médiatique agace Jean Veil, l'avocat de la Société Générale. Un homme comme ça, droit comme un nid. Aujourd'hui, il ne se présente plus comme Robin des Bois, il se présente comme le sauveur de la planète. Je pense qu'un jour, nous le retrouverons peut-être, professeur d'économie. Oh, je dans quel monde on vit alors ? C'était une question. Pour une mission sur la mondialisation. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre ? 9 500 euros de salaire net. Oh non ! Christine Boutin se défend. C'est un nouveau métier ? Et fait son mea culpa à la fois. C'est moche, moche, moche. Je comprends que cela puisse choquer, mais je suis profondément indigné qu'on mette en cause ma mission. Mais sont mes clients, ils ont besoin de moi. Et sur le cumul de ce salaire avec ses indemnités d'élus, elle répond : la loi est comme ça. Mais absolument. Et cela ne change rien à mon inclinaison vers la précarité et la fragilité sociale. J'ai l'impression d'avoir fait une drôle de découverte. À quoi joue François Bayrou ? On commence à avoir un peu de mal à suivre. Grimpez sur cette bicyclette, voulez-vous ? J'en ai pour une minute. Autoproclamé adversaire numéro 1 de Nicolas Sarkozy, on le voit maintenant à l'Elysée, en visiteur du soir. Les deux hommes semblent se rapprocher. Non, vous n'avez rien compris du tout. Nicolas Sarkozy aimerait sans doute voir François Bayrou, seul candidat centriste pour 2012, et récupérer la mise, autrement dit son électorat, au second tour. D'accord. Mais François Bayrou jure, la main sur le cœur, qu'il reste un opposant indépendant. La guerre civile entre un camp et l'autre est stupide. Elle empêche de faire avancer sur les sujets. Oh, mais de quoi t'es en train de parler ? Il faut refuser de se rendre ou de se rallier, il faut accepter rien qui soit une concession. Et en même temps, il faut accepter de parler. Tu as raison, oui. C'est vraiment n'importe quoi. Le sort des femmes qui peuvent partir à la retraite. Ah oui, oui, oui, c'est ça. Alors qu'elles ont élevé leurs enfants, c'est beaucoup plus important que la guerre des étiquettes. Il est doué, ce garçon. Certes, François Bayrou est un garçon doué. Néanmoins, comment t'expliquer qu'il accepte désormais de faire allégeance à Nicolas Sarkozy, car c'est bien de cela dont il s'agit, après avoir autant gesticulé pour affirmer l'indépendance politique et l'originalité idéologique du centre. Eh bien, il faut sans doute jeter un œil dans le rétroviseur. Souviens-toi, jusqu'à l'aube du second millénaire, sous l'étiquette glam rock de l'UDF, François Bayrou appartenait régulièrement à des gouvernements de droite. Et puis, voilà-t-il pas qu'un jour, le béarnais François Bayrou se met à croire en son destin personnel. C'est ainsi qu'en 2002, lors de la campagne présidentielle, il fait le choix de son propre chemin et c'est en bus qu'il se lance sur les routes de France. Après Speed 1, où un bus chargé d'explosifs ne peut pas descendre en dessous de 100 km/h, sinon il explose. Après Speed 2, où un bateau bourré d'explosifs ne peut pas descendre en dessous de 80 km/h, sinon il explose. Voici Speed 3, encore plus spectaculaire. Un bus chargé de colza. Un otage au bout du rouleau. Allez, chauffeur, appuie sur le champignon, direction Montargis. Des populations terrorisées. Ce soir, sur la place du village, grande réunion électorale de François Bayrou. Venez nombreux soutenir la France humaine. Un suspense insoutenable. Bien sûr. Chalon-sur-Saône, c'est à gauche ou à droite? Des dialogues, une violence inouïe. Votez François Bayrou! Et des cascades à couper le souffle. Attention! Un dos d'âne! Plus fort que Speed 1, plus spectaculaire que Speed 2, ne ratez pas Speed 3. Un bus bourré d'idées à la con, lancé à moins de 30 km/h sur des routes de campagne. Eh bien, malgré ce bus au colza, en 2002, au premier tour de l'élection présidentielle, François Bayrou se hisse à la 4e place et décroche un suffrage honorable de 6,8%. Chaud comme une braise béarnaise, il trace son sillon sans relâche. Résultat, 5 ans plus tard, toujours au premier tour, il flirte avec les 19% et surtout, il cherche à jouer l'arbitre entre les deux tours. Il ne donne aucune consigne de vote, mais il précise qu'à titre personnel, il ne votera pas Nicolas Sarkozy au second tour. Autant te dire que le staff du futur président avait grave les boules. Ainsi, Claude Guéant, François Fillon et Frédéric Lefebvre ont tout fait pour le lui faire savoir. Bah non, ultimatum, tout de suite. Eh ben quoi, c'en est pas un? Mais je ne sais pas. Oh. J'avoue que je trouve ça un peu fort, moi aussi. Mais bien sûr, alors, ultimatum. Pas ça, c'est comment on pourrait dire, plutôt... Comment on dit à quelqu'un qu'il a poussé le bouchon un peu trop loin et que, tout de même, il exagère, sans pour autant prendre le risque de le vexer? C'est fini, vous utilisez mise en garde. Quoi, mise en garde? Non, c'est nul, mise en garde. Non, c'est très bien, mise en garde. C'est pesé. Bon, alors vous lui dites qu'il se rende, qu'il démantèle immédiatement toute sa troupe. Et que s'il se constitue pas prisonnier sous 3 jours, on donne l'assaut. Malgré les menaces, François Bayrou ne cède rien. Mieux, au lendemain du second tour, il décide de lancer un nouveau mouvement politique, le Modem, bien sûr. Seulement voilà, premier couac. Certains compagnons de François Bayrou, Hervé Morin en tête, ont subitement la trouille de perdre leur siège à l'Assemblée nationale. Immédiatement, François Bayrou exige des explications auprès de ses petits camarades. Disons les choses bien claires et nettes. Ces sarcasmes, si j'ose parler ainsi, vous vont plutôt mal, oh mes petits frères. Étant votre drogué leader, j'ai le droit de savoir ce qui se passe. Hein? Oui. Alors, que veut dire ce rictus chevalin qui te déforme les bas des goinces? D'abord, tu fous la paix à 10 mots, mon frère. Ça fait partie du nouveau contrat. Nouveau? C'est quoi ce nouveau contrat? Je vois qu'on a discutaillé ferme dans mon dos innocent, mes frères. Puisque tu veux tellement savoir, on va te le dire. Oui, le Modem, c'est l'orange mécanique. Et ce qu'Hervé Morin annonce à François Bayrou, c'est qu'ils vont être nombreux à le trahir pour rejoindre les bras de l'UMP, en échange de quoi certains vont intégrer le gouvernement dès le mois de juin 2007. Fou furieux, François Bayrou continue de croire néanmoins en son propre destin. Sauf que voilà, lorsque se pointe l'échéance électorale des européennes en juin 2009, le Béarnais est fourbu, il sent que sa campagne est mal fichue et à 3 jours des urnes, son naturel reprend le dessus. Le 16 décembre 2008, à la tribune du Parlement européen, Nicolas Sarkozy en président du Conseil européen. Daniel Comadi l'interpelle avec l'ampleur qu'il s'est donné à ce genre d'interpellation. Que tu aimes beaucoup. Que j'aime formidablement. Ah, alors dis-le, et que donc, tout le monde qui transmet soit rassuré. Mon admiration et mon amour n'ont pas de limite sur ce genre de sujet. Voilà. Mais je vais revenir... Ce qu'a dit Sarkozy. Et Sarkozy, il dit, Monsieur Cohn-Bendit, parce qu'il l'avait interpellé, moi, je vous connais depuis longtemps, on se téléphone souvent, je ne peux pas en dire autant, on se téléphone souvent. Vous êtes venu déjeuner 3 fois à l'Élysée. En tant que président, du groupe, avec tous les présidents, dont le président de ton groupe. Pourquoi vous sentez-vous mal ? Mais je ne me sens pas mal, je trouve ça ignoble de ta part, parce que tu sais exactement ce qu'il se passe quand on est président de groupe. Tu as été député européen, tu sais ce que c'était. Et ce genre de jeu devant les citoyens, eh bien mon pote, je te dis, jamais tu seras président de la République. Très bien. Parce que tu es trop minable. Très bien. Trop minable. Bien. Depuis, nous savons que François Bayrou a sacrément changé d'opinion, puisque désormais, lui aussi, il rend visite à Nicolas Sarkozy, à la petite différence tout de même que lui, c'est à titre privé et non pas institutionnel. Toujours est-il que ce vif échange télévisé a coûté cher à François Bayrou, puisque ses listes n'ont pas dépassé les 6% le dimanche suivant. Alors, ça sent le cramer, certes, mais qu'importe. Avec le panache qui le caractérise depuis une décennie, en mars dernier, François Bayrou, à la tête de son modem, s'est lancé avec vigueur dans la bataille des élections régionales. On se bat. C'est plutôt qu'on est comme une espèce de poste avancé, quoi. Dans le cas que... Crac, on est là. La tenaille, quoi. La tenaille, oui. Voilà. Enfin, voilà, pour l'instant... On va pas attendre des années, évidemment. M'en doute. Et vous êtes combien à faire la tenaille ? 3. Eh oui, au modem, il ne reste plus grand monde pour la tenaille. Et le résultat fut sans appel, puisque les listes de François Bayrou ont à peine dépassé les 4% lors de ce scrutin régional. Du coup, depuis quelques semaines, il faut bien le dire, c'est un peu l'angoisse. C'est pourquoi, perdu au centre de la terre politique, François Bayrou, Jean Lassalle et Marielle de Sarnez tentent ces derniers temps de trouver la solution pour refaire surface. Bon, allez. Un de ces passages doit bien mener à la surface. Bah oui, seulement faudrait savoir lequel. Mon instinct me dit de prendre à droite. Venez. Venez. Allez, venez. C'est plutôt encourageant. Rien qu'en mettant un pied devant l'autre, on arrivera vite à l'extérieur. Très encourageant. Ne vous inquiétez pas. L'orientation, c'est mon 6e sens. Je suis en train de jouer les explorateurs. J'adorais jouer à ça quand j'étais jeune. Et voilà. Devant cette chute vertigineuse, François Bayrou n'a plus d'autre choix, bien sûr, que de revenir à ses origines politiques, le centre, mais plutôt à droite. C'est pourquoi, pour la 2e fois en 10 jours, le patron du modem est venu faire amende honorable au palais de l'Élysée, où, crois-moi, il fut très bien reçu mardi dernier par M. Sarkozy et toute la Smala. Ah, le voilà, cher grand ami. Vous voilà remis de vos émotions, j'espère. Non, est-ce possible ? Venez là. Vilain qui nous a fait si peur. Et pour monsieur, qu'est-ce que ce sera ? Whisky, Alexandra, notre monestier spécial ? N'en fais pas trop. N'en faisons pas trop. Ah bah oui, parce que par cette température, les cocktails se conservent mal. Faites pas attention, il est coincé, complètement idiot. Alors c'est oui ou non ? Accepter ou refuser, ça n'a aucune importance. Mais j'aime les hommes qui prennent des décisions rapides. Eh bien, ce sera oui, puisque François Bayrou va sans doute dorénavant soutenir la politique du gouvernement, comme au bon vieux temps. Au passage, connais-tu la définition exacte du centre en géométrie ? Je te la livre parce que ça vaut le coup. Le centre, c'est le point situé à égale distance de chacun des points d'un segment de droite. Étrange, non ? Cela dit, pour finir, à celles et ceux qui s'attristent de voir François Bayrou renoncer à sa 3e voie, il faut immédiatement ajouter que le patron du modem a tout de même offert quelques garanties à tous ses supporters. Service après-vente, bonjour. Oui, bonjour monsieur. François Bayrou a déclaré « on ne cédera rien ». Oui, c'est vrai, oui. Donc il ne cédera rien de ses 4%. Voilà. C'est dur. Ordinary night. The Ghost Who Walks, autrement dit le fantôme qui marche, c'est l'étrange rencontre que nous raconte Karen Elson, une donnée qui va faire avancer la science. Avec ces nouvelles données, nous pouvons nous déclarer en mesure de capturer un revenant et de le garder à perpétuité. Ça, c'est super. Si le taux d'ionisation est constant chez toutes les entités ectoplasmiques, on va pouvoir leur casser la gueule. Au sens médiumnique, évidemment. Alors maintenant, après avoir recentré le centre, il est temps pour nous à 11h27 de rejoindre, sans plus attendre, nos informations venues du lointain, puisque demain aura lieu la journée mondiale des donneurs de sang mise en place à l'initiative de l'Organisation mondiale de la santé. Et à l'évocation des flots d'hémoglobine, absolument nécessaires pour sauver des vies, cette semaine, les fantômes de la radiophonie française étaient verts. Car Alina, leur sang n'a fait qu'un tour, en apprenant l'arrestation d'un ami qu'ils avaient invité. Ainsi, écoute ce que nous rapporte à ce propos notre Bernard l'Ermite, planqué dans sa boîte d'archives au cœur des sous-sols obscurs et sinueux. Tends bien l'oreille et découvre ici la vie parallèle de l'Institut National de l'Audiovisuel. Des révélations, des hypothèses. Un Bernard l'Ermite. Qui demande la parole ? Cette semaine, à Lina, on était vert. Jeudi soir, on avait invité un vieil ami à dîner. Tout était prêt. On l'attendait en écoutant les infos. Et là, on a appris qu'il venait d'être arrêté. On a arrêté le vampire de Francfort, un jeune homme de 22 ans dont le grand plaisir était d'aspirer avec une seringue le sang de ses victimes, sang qu'il dégustait ensuite dans un verre. Pour leur faire subir ce traitement digne de Dracula, il les droguait, ce monstre, est maintenant sous les verrous. Du coup, on avait tout un stock de sang à écouler. Alors on s'est un peu renseigné sur ce qui se pratiquait. Il y a en somme deux solutions radicalement opposées dans l'ensemble de l'humanité. Ou il est interdit de consommer le sang, ou il est obligatoire de le consommer. Ou il est interdit de le verser quand on tue par exemple un animal, ou il est obligatoire de le verser complètement. Par exemple dans la tradition juive et musulmane aussi, on ne peut pas manger un animal qui n'a pas été entièrement saigné. Consommer le sang, c'est absolument impossible parce que le sang, c'est l'âme et on ne doit pas consommer l'âme. Mais dans la tradition de peuples que j'ai beaucoup étudié dans le monde turco-mongol, où l'on croit également que le sang, c'est l'âme, il est interdit de le répandre parce qu'on causera un grand préjudice à l'homme ou à l'animal que l'on tue en répandant son sang, c'est-à-dire en faisant partir son âme. Alors on doit au contraire le laisser à l'intérieur du corps. Ce qui explique beaucoup de rites de tous ces peuples de l'Asie centrale, qui sont d'ailleurs peut-être aussi des rites de l'ancien monde iranien, par exemple des Scythes. Mais finalement, on a opté pour le recyclage complet. Par exemple, si nous prenons un donneur de sang, il peut donner un flacon de 300 ou 400 cm3 de sang. Mais en même temps, son sang peut servir, s'il est pipeté sous forme de plasma, d'une part à des transfusions pour un brûlé, d'autre part à une transfusion pour des anémies, simplement de globules rouges. Si ce même plasma est lui-même fractionné, nous pouvons en retirer plusieurs doses, soit de gamma-globuline, soit de fibrinogène, soit de substances anti-hémophiliques. Mais malgré tout, on ne s'est pas laissé abattre. Et à l'apéro, Frédéric Potcher nous a raconté une de ses fameuses histoires à boire. Mais il y a eu une affaire récemment, je crois que je ne suis pas sûr, mais il me semble que c'est à Poitiers que ça s'est jugé. L'histoire d'un conducteur, qui est un homme qui était au volant d'une camionnette, qui a eu un accident. On a trouvé l'accident curieux, on a fait une prise de sang, on s'est aperçu que l'homme avait une grande quantité d'alcool dans le sang. Mais on s'est aperçu aussi qu'il n'était pas ivre, et on a appris que cet homme travaillait dans un... Il était caviste chez un liquoriste, et il avait respiré de l'alcool toute la matinée, et cet alcool n'était pas, comment dirais-je, ne pouvait pas être mis en cause, vous comprenez ce que je veux dire? Comme quoi, ça n'est pas encore tellement sûr. Après ça, l'ambiance s'est considérablement échauffée. L'amour passe toujours par le sang. Il y a une tension interne qui fait, lorsque l'on est amoureux, on a d'abord une sensation de vie extraordinaire à l'intérieur de soi. Il y a un bouillonnement, ça virevolte à l'intérieur. Il y a matériellement, on a les joues rouges, on a le front rouge, on a le nez rouge, on a les yeux un petit peu injectés toujours de sang, c'est terrible. On a bien sûr le sexe qui est tout rouge. Il y a une montée du désir, une explosion du désir par le sang. Et la soirée a duré. Au point que le lendemain, on était épuisé. Geneviève vient de s'habiller. Elle rejoint son mari qui l'attend. Tu es prêt? Mais tu as une tête de déterré, mon pauvre chou. Tu ne peux pas sortir comme ça. Mets-toi dans un peu de rouge, au moins. Mais quand je me flatte, cela me donne les yeux creux. J'ai encore plus mauvaise mine. Mais il faut te soigner, nom d'une pipe. commence dans ce soir même une cure de pilules pain. En effet, seules les pilules pain que fournissent à votre sang l'oxygène dont il a un si grand besoin. Vous serez tout ragaillardi quand ce flot d'oxygène, véritable porteur de vie, coulera dans vos veines. Pilules pain que toute pharmacie, 10 francs 60. Merci beaucoup, Flora Bernard, pour cette sublime prise de son. Mais maintenant, à 11h32, il est temps pour nous de prendre l'artère qui nous conduit vers nos actualités locales et foutraques, car voici notre décrochage régional, direction Gros Boule-les-Bains. Monique est amnésique. Monique. Comment vous appelez-vous, vous ? Jean-Claude. Ça vous va, c'est fou. Alors maintenant, toujours en direct du Mangin Palace, précipitons-nous à Gros Boule-les-Bains afin de rejoindre Monique, la faucille, et Jean-Claude, le marteau. Car figure-toi que cette semaine, Jean-Claude s'est senti quelque peu humilié par son voisin, ce brave monsieur Baudard. En effet, entre deux averses et deux magnifiques rayons de soleil, Jean-Claude et Monique ont été invités à siroter un petit apéro chez leur voisin qui n'a pu s'empêcher de jouer au crâneur en exhibant la magnificence de son jardin qu'il vient tout juste d'arranger à l'annonce des beaux jours. C'est un jardin extraordinaire. 4 hectares de pelouse, de haies, de bosquets, d'allées et de bassins. Une beauté, une élégance qui s'exprime notamment dans cette allée, l'allée des charmes, une allée très graphique. Lorsque le visiteur pénètre dans la propriété, c'est cette longue perspective de verdure qui l'accueille. Une perspective et de très beaux dégradés de couleurs avec ces magnifiques tons de vert. Passion jardin, passion nature. Passion jardin, passion nature. Mais quel con, pense aussitôt Jean-Claude, qui est bien conscient de son côté de la médiocrité de son propre jardinet. Il est vrai que le dernier passage de tondeuse et l'ultime coup de binette remontent à l'été dernier. Et depuis, la nature a repris ses droits. Le jardin de Jean-Claude ressemble à une véritable jungle. Alors, quand ce fielleux monsieur Baudard demande à Jean-Claude s'il n'est pas incommodé par ce jardin sauvage, Jean-Claude explique avec aplomb que c'est un choix réfléchi. Si son jardin ressemble à une jungle, c'est simplement parce que ça lui fait rêver. Je me promène dans la jungle pour cueillir des mangues. Et je rencontre Raquel Welch. Je prépare une bonne crème de mangue. Ouais. Vous voyez, je nous en tartine partout. Elle est dingue des mangues, Laos. Elle est sur une branche, juste au-dessus de moi. Et on est là tous les deux, tout nus dans la jungle. Il doit bien y avoir un manguier par ici. Mais hélas, non. Dans le jardin de Jean-Claude, il n'y a pas de manguier, mais pléthore de pissenlits et de liserons. Pourtant, toujours aussi orgueilleux, Jean-Claude invite Monsieur Baudard pour une visite du terrain qu'il compte mettre en valeur. D'ailleurs, puisque c'est la guerre de récession, Jean-Claude imagine déjà les économies qu'il va pouvoir faire grâce à son potager. Bon, Monsieur Baudard, lui, est assez circonspect. Dis donc, il y en a plus grand que je croyais de ton terrain, là. Faire tout un jardin à légumes, à moins que tu veuilles aller vendre au marché, ça me paraît beaucoup. Ah, penses-tu non, un jardin de curé, pas plus comme celui qu'avait ma mère, là-bas au fond. Viens voir. Ah, c'est là. Salade, radis, carottes, patates. C'est ce qu'elle faisait. Un petit potager, quoi. Puis tout le reste, propre. Oui, comme ça, c'est bien. Des légumes pour toi et ta dame, et quelqu'un invité qui passe. Quelques pieds de tomates, les herbes qu'il faut, des haricots verts, des beurres, la base, quoi. Ouais. Seulement, pour le reste, faudra une faux. Hein. On ira l'acheter ensemble. Bah, une faux, c'est une faux, hein. Oh là, une faux à herbe, c'est loin d'être une faux à broussailles. Et le manche, bois ou métal, tu vas trouver des prix du simple au presque double. Non, on ira ensemble. Doucement, là. Cette assurance rurale de la part de M. Baudard commence sérieusement à agacer Jean-Claude. D'autant qu'il a en poche la solution miracle pour exploiter efficacement ses terres. Et Jean-Claude, tout fier, exhibe son trésor botanique sous les yeux perspicaces de son voisin. C'est la graine parfaitement authentique de la cucurbita melanosperma qui nous vient d'Asie. Cette plante, mon cher voisin, pousse aussi vite qu'un serpent qui sort de son trou. Il ne faut pas se dissimuler que ces pluies, parfois capricieuses, ne seront pas tout à fait suffisantes pour que cette cucurbitacée généreuse nous donne son plein rendement. Mais enfin, je compte raisonnablement sur 15 cm par mois. Heureusement, parce que 50 cm par jour, ce serait pas commode. Au bout de 10 mois, pour amasser vos coucourdes, il vous faudrait aller jusqu'au bout du village. Parfaitement raisonné. Je compte que chaque pied nous donnera environ 50 à 60 kilos de courge. C'est déjà pas mal, hein. Mais vous n'avez que 4 graines. Mais c'est qu'il est très difficile de s'en procurer. Aujourd'hui, je n'en possède que 4, mais dans 6 mois, le problème ne sera pas de trouver des graines, mais d'arrêter leur prolifération. Eh oui, mais alors, si vous ne pouvez pas arrêter les coucourdes, on se demande où nous allons. Mais à la fortune ! Nous sommes condamnés à la réussite ! Jean-Claude s'imagine donc condamné à la réussite potagère. Équipé d'un très beau tablier, évidemment tout vert, et d'une paire de bottes idoines, Jean-Claude manie le cordeau avec brio, le plantoir avec gloire et le sécateur avec ardeur. Après quelques heures de labeur et d'authentiques plaisirs, le jardin est métamorphosé. Jean-Claude se sent l'âme d'un artiste potager prêt à brûler les planches, ce qui d'ailleurs intrigue beaucoup Monique. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de planches ? Voilà, dans le jardin, dans le potager, tu dresses des planches. Mais des planches en bois comme ça ? Non, la planche sur laquelle tu es, c'est pour pas que tu salisses tes petites... Les ballerines ? Tes ballerines. Non, la planche, en fait, c'est une manière de surélever la terre par rapport aux allées, de façon à pouvoir concentrer les cultures. Il y aura moins de mauvaises herbes qui auront la place de s'installer. Et comme tu plantes dru, il y a moins de lumière au sol et pour le coup, il y a moins de mauvaises herbes qui poussent. Je comprends. Et puis ensuite, qu'est-ce qui va se passer ? Les arrosages. Comme tu as concentré ta surface de culture, tu vas moins arroser. D'accord. Tu n'arroses pas les allées. Oui. Et bien là, on a une surface qui est drainée. L'eau s'en va puisque c'est une butte. Et la terre va se réchauffer plus vite au printemps. Ce qui va me permettre d'avoir des primeurs plus précoces. Dis donc, c'est mal. Oh non, mais c'est extraordinaire. C'est vieux comme le monde, mais c'est malin comme tout, quoi. Monique est complètement convaincue par le potager écolo du Jean-Claude qui a décidé de se passer de tous les poisons chimiques, de ses pesticides et de ses insecticides, bien souvent chers et inutiles, mais toujours hyper polluants. À son tour, Monique veut être une belle jardinière et elle s'équipe d'un grand chapeau de paille et de solides sabots pour aider son Jean-Claude qui, lui, est tout ému de la voir parader dans le potager et discuter avec Monsieur Baudard par-dessus la palissade. Vous remarquez comme le manche des cisailles s'accorde élégamment avec ses sabots de jardinage. Ce n'est pas un hasard. Allez, ma fille, on en fait. Bonjour, Jim. Avec vous, j'adore votre cravate. Oh, cette couleur. Et moi, j'adore vos roses. Mais comment faites-vous pour avoir des plantes aussi florifères ? Je vous donne la recette. Engrais universel et coquilles d'œufs. Mon Dieu. Oui, c'est ma petite. Rien que de la regarder m'épuise. Et une fois par mois, vous rajoutez un engrais à votre. Elle n'a pas toujours été comme ça. Plus économique et surtout, c'est avant, elle était heureuse. Merci infiniment. Nous étions heureux. Et en effet, dans le jardin resplendissant, le bonheur de Monique et de Jean-Claude est brusquement interrompu quand ils constatent effarés qu'une colonie de pucerons vient de s'installer sur leur si beau rosier. Et là, plus question d'être bucolique, il faut agir et Monique prend alors les choses en main. Pour combattre le parasite, il est primordial de connaître le parasite. Voulez-vous en savoir plus ? Les chercheurs fédéraux s'affrontent pour élucider la brillante stratégie militaire des arachnides. Quand une colonie atteint un certain âge, au moins 300 générations, cher ami, son intellect progresse. Des insectes doués d'intelligence, j'avoue que j'aimerais les voir. Je ne crois pas avoir jamais entendu de tels sur les... Vous voudriez vous faire un moment, le plus gros test auquel on ne m'a jamais conduit. Peut-être y a-t-il un parasite que personne n'aurait encore découvert, une caste dominante, un grand esprit. Un fou qui pense ! Franchement, votre suggestion d'une vermine intelligente est inadmissible. C'est tout de suite moins impressionnant quand on les explose. Un nid de parasite. Là. Et c'est à grands coups de motoculteurs, d'élagueurs et de cisailleuses que Jean-Claude a sitôt fait de mettre à mal cette colonie de pucerons. Il détruit tout simplement les plantations. Grave erreur, explique M. Baudard. Quelques sympathiques coccinelles auraient parfaitement fait l'affaire. Voilà, fin de l'histoire, le jardin est à reconstruire pour Monique, Jean-Claude et leur môme, Rémi et Elsa, qui du coup se sont tous donnés pour mission de remettre en ordre le potager avant l'été. Toute la petite société entra dans ce louable dessein. Chacun se mit à exercer ses talents. Tu as raison, Galinette. Il faut faire les fleurs. Mais pourquoi tu m'en as pas parlé plus tôt ? Parce que je voulais d'abord essayer, puis savoir si la terre d'ici était bonne. La petite terre rapporta beaucoup. Puis je voulais que tu les vois en fleurs pour que tu comprennes. Ah, c'est pas les fleurs qui m'ont fait comprendre. C'est le fleuriste. Tous les événements sont enchaînés dans le meilleur des mondes possibles. Cool. Hey ! Cela est bien dit, répondit Candide. Mais il faut cultiver notre jardin. Et qu'est-ce qu'il va planter ? Il veut planter de l'authentique partout. Qu'est-ce que c'est? Ça doit être une plante qui pousse dans les livres. Bon, après avoir entendu une énième fois, mais ce n'est jamais trop, qu'à l'instar de Candide, il faut cultiver son jardin, il est temps dès à présent à 11h42, toujours en direct du Mangin Palace, de retrouver notre petit reportage Made in Panic. Et ce matin, dans le dictionnaire imaginaire de Monsieur Julien Dugast, nous quittons le travail de la terre pour celui de la mer, puisque le mot qui compte triple est une bouchée de poisson japonaise, à savoir le sushi. Pourquoi ? Eh bien parce que nous avons découvert cette semaine un chiffre qui flanque la frousse. En gros, si nous continuons à pratiquer la pêche avec la même intensité qu'aujourd'hui, la sanction sera sans appel. Dans 50 ans, les poiscailles auront totalement disparu des océans. La faute au sushi, mais pas que. Ainsi, en compagnie de Monsieur Jean-Marie Michel, journaliste d'investigation à la prestigieuse agence Kappa, découvrons ensemble, juste après la virgule, ce que dissimule cette mode frénétique et planétaire du sushi. Avec les lettres W, Q et T, je forme le mot WAKT. Trois consonnes, deux voyelles, tiens, sushi. Un sushi, c'est une boulette de riz avec une tranche de poisson cru par-dessus. Donc c'est le yin et le yang, c'est la nourriture la plus basique au monde. J'adore les sushis. Le sushi ne va pas causer de pertes irrémédiables, mais le sushi va accélérer le mouvement. Il y a un rapport de l'ONU qui est sorti il y a 15 jours et qui prévoit que dans 40 ans, 2050, le poisson aura disparu des océans, tout simplement. Un petit poisson, un petit oiseau, ça m'aide à m'en tendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau ? Le thon rouge, par exemple, qui fournit l'essentiel des sushis qui sont consommés au Japon, est en voie de disparition. Mais au-delà du sushi, le sushi c'est juste une métaphore un peu de l'inconscience de la planète qui racle les fonds marins. Et en plus, les fonds marins, c'est le crime parfait parce que on n'entend pas le massacre qui se passe sous l'eau. Quoi. C'est bon, voilà, le jour il n'y aura plus de poisson, on s'en rendra compte, mais ça sera trop tard. 3 maxi maki, 1 nigri sushi, 1 néo maki, 2 maxi nigri, 4 bières, 3 sodas et des boules de coco. Jean-Claude, il manque plus que toi, merci. Oui, une seconde, j'essaye d'éviter les odeurs de marée basse. Non, ce qui a causé surtout la disparition du poisson, ce qui va causer la disparition du poisson, c'est le chalutage. Il faut savoir que, par exemple, un chalut qui fait plusieurs centaines de mètres de long et qui racle les fonds de l'Atlantique pour ramasser du poisson, c'est comme si on ramassait des pommes avec un bulldozer, quoi. C'est-à-dire que c'est un massacre. Après, rien ne repousse, hein, c'est fini. Le lac est pour fraîcher son eau. C'est délicieux! Ce que nous voulons, c'est du poisson fort bien goûteux! Ce qu'il faut faire, c'est consommer moins de poisson, consommer du bon poisson, faire attention à ce qu'on achète. Et puis voilà, on n'est pas obligé de manger du poisson tous les matins, et surtout pas n'importe quel poisson. Les gens consomment c'est devenu une espèce de steak de la mer, et donc le poisson n'a plus ni saveur ni odeur. C'est voilà, il n'y a plus d'arêtes, il n'y a plus de tête, il n'y a plus de peau, il n'y a plus rien. On achète ça en filet, ça ressemble plus à du poisson, quoi. C'est tout. Ça a été dématérialisé. Méduse pour cloche de gélatine salée. Ah mais oui, ça rend pile poil, dis donc. C'était quoi le titre de votre documentaire? Global Sushi, demain nos enfants mangeront des méduses. Vous pensez vraiment que vos enfants pourraient manger des méduses plus tard? C'était uniquement ironique? Pas du tout, non, la méduse c'est l'avenir. La méduse est en train de se développer à une vitesse exponentielle parce que les prédateurs genre thon rouge disparaissent, donc les méduses se développent. Et en plus les méduses c'est très protéiné, c'est très facile à pêcher et il y a déjà une bonne partie de l'Asie qui compte la Chine, la Thaïlande, le Cambodge, le Japon qui mangent des méduses midi et soir, et même à Paris dans plein de restaurants asiatiques où maintenant on consomme des méduses. Donc non, c'est notre avenir, la méduse. Oui, bonjour. Des chercheurs ont prouvé que les poissons parlaient. Oui, d'après une étude. Bah tu vois chérie, c'est confirmé, t'es un thon. Alors quant à moi, je prends mes 3 T et mes 3 X, ce qui donne le mot tic-tic-tic-tic. Pas l'animal aquatique nocturne. Oui. Ainsi, pour sauver les poissons, il faudrait imposer l'année des méduses en guise d'amuse-bouche pour remplacer les sushis. Cela dit, certains ont déjà commencé. Tiens, cette semaine par exemple, dans ses filets, le canard enchaîné a attrapé une sacrée gorgone méduse à dévorer sans modération. Suite et fin de la polémique à propos du salaire de l'ancienne ministre du Logement. Mais de qui parlez-vous ? Christine Boutin, a plié sous la pression hier soir sur France 2. Mais qu'est-ce que c'est que cette robe ? On dirait une servante de curé. J'ai entendu les Français. Le président ? Oui. J'ai donc décidé de mener cette mission de façon gracieuse en renonçant à mes 9500 euros. Quelle tristesse. Merci, au revoir. Ouais. Mais vous savez, moi je suis en train de créer une jurisprudence avec cette décision. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se trouvent dans cette situation. Bon, où vous voulez en venir ? C'est quoi le mot de la fin ? Et qui vont aujourd'hui ou demain être confrontés au même problème. Pendant les rares moments de pause où il ne répare pas quelque chose, il cherche l'endroit disponible où on peut encore planter un clou. What a outil. What a outil. Le clou qu'il enfonce à la place du clou d'hier, il le remplacera demain par un clou meilleur, le même qu'avant-hier d'ailleurs. Mon Dieu, quel bonheur d'avoir un mari qui bricole. Mon Dieu, quel bonheur d'avoir un mari bricoleur. What a outil. What a outil. Au cours d'une de mes grossesses, devant lui je pestais sans cesse contre l'incroyable cherté d'une layette de bébé. What a outil. What a outil. Mais lorsque l'enfant vint au monde, je vis avec une joie profonde que mon mari s'était débrouillé pour me le faire tout habiller. Mon Dieu, quel bonheur d'avoir un mari qui bricole. Mon Dieu, quel bonheur d'avoir un mari bricoleur. What a outil. What a outil. À l'heure actuelle, il fabrique un nouveau système électrique qui va permettre à l'homme enfin de faire de l'eau avec du vin. What a outil. What a outil. Mais dans ses calculs, il se trompe. Et quand on veut boire à la pompe, il nous arrive d'ingurgiter un grand verre d'électricité. Mon Dieu, quel bonheur d'avoir un mari qui bricole. Mon Dieu, quel bonheur d'avoir un mari bricoleur. What a outil. What a outil. Comme il redoute que des canailles convoitent ses rabots, ses tenailles, en se couchant, il les installe au milieu du lit conjugal. C'est commode, je vous jure. Et souvent la nuit, je m'éveille en rêvant aux monts et merveilles qu'annonce un frôlement coquin. Mais ce n'est qu'un vilebrequin. Mon Dieu, quel malheur d'avoir un mari qui bricole. Mon Dieu, quel malheur d'avoir un mari bricoleur. Le bricoleur, c'est le spécialiste du vilebrequin que nous présentait sur une musique de Georges Brassens, la divine Patachou, un personnage hors du commun. Connaissez-vous le point commun entre les gougères, les éclairs au chocolat et le Paris-Brest ? Vous l'avez deviné, il s'agit bien sûr de la Patachou, qui, contrairement à ce qu'on pense, n'est pas si difficile à faire que ça. Eh bien, il est maintenant 11h50 et nous retrouvons avec grand plaisir notre ami Xavier Mauduit puisque la panique au Mangin Palace ouvre son petit kiosque à journaux sévèrement fourni. Allô Marcel. Ce que je reproche aux journaux, c'est de nous faire faire attention tous les jours à des choses insignifiantes tandis que nous lisons 3 ou 4 fois dans notre vie les livres où il y a des choses essentielles. Mauduit, bonjour. Salut Colin. Alors, que nous offre la presse cette semaine, camarade ? Bien Philippe, la tendance cette semaine est que la presse les accointances, et notamment les relations sulfureuses entre le pouvoir et l'argent, qui font que, dans notre société, certains semblent s'en tirer mieux que d'autres, car, comme on le chante dans la Légion, nous sommes des dégourdis, nous sommes des lascars, tiens, voilà du boutin, voilà du boutin. Le canard enchaîné nous révélait cette sombre histoire de mission offerte à Christine Boutin, eu égard à sa science sur les conséquences de la mondialisation, et surtout à son silence qui conforte certaines ambitions. 9500 euros mensuels, sans compter les collaborateurs et les bureaux, cumulés à la pension de retraite de parlementaire et à son indemnité de conseillère générale des Yvelines, l'ancienne ministre du Logement a dû renoncer à ses modestes frais de mission face à la vigilance des médias qui méritent bien, dans cette histoire, leur statut de quatrième pouvoir. Exactement. Mais le canard enchaîné de mercredi dernier, toujours lui, nous présente un autre lascar, en la personne de Pierre Bachelot, au Nord, c'était les cons, non, le fiston de la ministre de la Santé et des Sports, diplômé de l'Institut d'études supérieures des arts, spécialiste de la céramique, Pierre Bachelot est devenu en 1994 assistant parlementaire de son moment. Puis il fut attaché à la mamelle ministérielle de Roselyne et il vient de décrocher le poste de responsable de plaidoyer pour la santé à l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. Bon, alors, la critique serait facile, mais il faut nuancer. Hein. Nous sommes en ce moment en plein dans les orientations. Ce sont des choix difficiles pour les ados et leurs parents. Et on peut imaginer le drame chez les bachelots quand au moment du bachot, Pierrot le rebelle avait annoncé à sa daronne oh « ouais, moi, quand je serai grand, je serai artiste céramique ». L'horreur. Donc pour les notables, céramiste, c'est RMiste. Alors Roselyne a tout fait pour sauver son fiston de la déchéance sociale. Et chacun peut comprendre combien la tentation est forte pour des parents de donner un petit coup de pouce à ces mioches. D'ailleurs, pour comprendre le cas Bachelot, il suffit de lire Enfant Magazine qui nous offre un dossier sur la poussette. Ah, Enfant Magazine. Enfant Magazine. Allons-y. Bon, alors qu'on comprenne bien, il ne s'agit en aucun cas du petit coup de poussette vélocipédique ou encore moins de la poussette sur une table de baccarat qui sont de vraies tricheries. Non, là, c'est beaucoup plus subtil. Enfant Magazine nous explique comment bien pousser son mioche. Bon, il faut tenir compte de son âge et de l'endroit où l'on habite afin d'obtenir, je cite, le confort de l'enfant avec un ajustement au niveau du repose-jambe. Allez, roulez jeunesse. Enfant Magazine. Voilà, Pierre Bachelot a donc bien profité de la poussette de moment. Mais bon, c'est étrange hein, de voir comment toutes ces histoires d'argent et de pouvoir, là, d'un coup, surgissent aussi facilement quand on se met à creuser. Mais pas très profond. Hein. On trouve tout. La presse nous révèle ce week-end que plusieurs ministres, dont Roselyne Bachelot, cumulent leurs revenus pour un emploi public avec leur retraite de parlementaires. Mmh. Voilà, le cumul est donc une règle dans les sphères possédantes qui n'aiment pas le mono-emploi ni les mono-salaires. Hein. Mmh. Alors, le magazine Alternative Économique, hein, toujours indispensable et toujours aussi éclairant, nous en apprend bien belle dans les pages Comprendre. Alter Echo nous présente un graphique gentiment intitulé « Je te tiens, tu me tiens par la barbichette ». Alors, je vous explique ce graphique. On y voit les logos des entreprises du CAC 40 qui forment une ronde et des droites. Oh. Oh, c'est beau. Des droites ont été tracées d'un logo à l'autre pour montrer les liens qui existent entre les différents conseils d'administration. Ouais, hein, vous vous en doutez, le résultat, c'est édifiant. La densité du maillage n'a d'égal que les accointances endogamiques des 200 familles. Alternatives économiques nous explique que malgré les codes de bonne conduite, les conseils d'administration des sociétés du CAC 40 restent très consanguins. Et oui, 39 des 40 sociétés du CAC ont un administrateur dans une autre société du CAC. Non. Et non, ouais, c'est comme ça. Tout en sachant que depuis 2001, le nombre de mandats dans des sociétés cotées est limité à 5. Ah, alors ouais, c'est sans compter les jetons de présence dans des sociétés non cotées. Hein, ça... Il y en a qui s'occupent et tout, c'est énorme. Voilà. Et Alter Echo nous raconte que pour contourner ces codes de bonne conduite, ces braves gens ont pris l'habitude d'envoyer leur femme ou leur enfant à leur place afin de ne pas éveiller les soupçons des notables lascars, donc. Ah, notables lascars, Philippe. Pléonasme ou oxymore? Bon, dans le courrier des lecteurs de Télérama, on trouve une jolie analyse lexicale de toutes ces accointances. C'est Alain qui habite Bischheim, tout près de Strasbourg, et qui remarque avec justesse que jusqu'à présent, les enseignants qui voulaient illustrer l'oxymore pour leurs élèves avaient à leur disposition soit, petit 1, l'obscure clarté des étoiles de Corneille, ou bien la sublime horreur de Balzac. Tandis qu'aujourd'hui, à l'intention des élèves nourris au CAC 40, l'oxymore le plus percutant est sans doute capitalisme, éthique. Mais c'est ça aussi la langue vivante. Maintenant, on a comme expression céramiste des questions de santé ou encore boutin bouté hors du cumul. Merci beaucoup, monsieur Mauduit. Le kiosque referme ses portes. Voilà, fin du 209e épisode. Tout le monde descend, faites gaffe de ne rien avoir oublié. Panique au Manchin Palace, une émission coécrite à les doigts dans la prise avec le professeur Mauduit, un ami précieux que je remercie très chaleureusement. Merci à toi Xavier. Au platine et à la réalisation, il y avait ce matin bien sûr le maestro H2M Henri Marc Mutel. Merci beaucoup Marco. Et assisté aujourd'hui à la technique de Jean-Philippe Jeanne et de Guillaume Roux, merci beaucoup à vous deux.